Section 11 de La grammaire de Mademoiselle Lily par Jean Massé. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. 11. Les modes. Les verbes n'ont pas seulement des temps, ils ont aussi des modes. Mademoiselle Lily ouvre de grands yeux en entendant parler de ces modes. Ses grandes amies lui ont appris déjà ce que c'est qu'une faiseuse de mode. Elle demande en riant si c'est la même chose. Et voyez comme c'est drôle! Il se trouve que c'est justement la même chose. Mode signifie manière. Les modes de la faiseuse de mode sont les différentes manières de s'habiller. Les modes du verbe sont les différentes manières d'exprimer l'action, de dire comment on agit. Tantôt on dit simplement que l'action a lieu, qu'elle a eu lieu ou qu'elle aura lieu. C'est le mode indicatif. Tantôt on commande de la faire. C'est le mode impératif. Tantôt on la déclare déterminée par une prière, une crainte, un désir, n'importe quoi. C'est le mode subjonctif. Ainsi, dit Mademoiselle Lily, quand je mange des bonbons, c'est l'indicatif. Quand je dis à Toto, mange ces bonbons-là, c'est l'impératif. Quand je te dis, « J'ai bien envie que tu me donnes des bonbons. » C'est le subjonctif. Tout juste. Tiens, en voici un pour la peine. Un bonbon, pas un subjonctif. Fin de la section 11. Enregistrée par Ezoa, en Belgique, en mars 2021.